bonjour et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette nouvelle émission de Rock de Neurone sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles je vous propose The Samurai of Prog, Marillion, La Mascara d'Ishera, Mostly Autumn, Dvorniak Bone Labsa, Fish on Friday, Anima Mundi, Arabs in Aspic, et on va conclure avec une formation montréalaise, Inner Space. Alors, comme à l'habitude, nous dédions le premier bloc de l'émission à un album qu'on appelle l'album de la semaine, et nous avons Samurai of Prog. Samurai of Prog est un groupe multinational et qui opère depuis 2011. Il a 6 albums à son actif, c'est donc à peu près un album par année. Et le plus récent, c'est On We Sail. On We Sail, qui est un album qui est quand même assez généreux avec ses 65 minutes, réparti sur 9 pièces, dont je vous propose, je vous propose 3 pièces sur l'album, Elements of Life, Ascension et Ghost Written. Alors voici The Samurai of Prog. Thank you. inside the strife, finding wonder in the wild, lost in elements of life. White cap, water rushing over, throne so tiny little raft, gorgeous flicker of a brilliant sailor, captain in his craft. Thank you.

light. In between the lines, I find your divine grace, your parting gift to me, here to read inside of our resonating story, skipping space and time. A sequel to your song, inheriting your memory, you live on. And turn the page, another day I reach for you. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la formation de Samurai of Prog avec trois pièces extraites du plus récent album On We Sail. On a entendu Ghost Written, précédé de Ascension, et en début de bloc, nous avions Elements of Life. Alors, après la pause, Marillion, La Mascara de Shera et Mostly Autumn. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, on va poursuivre avec Marillion, qui opère en fait depuis 1983. Ils ont 18 albums studio à leur actif, dont 4 avec le chanteur Fish. Les autres, ça a été avec Steve Hogart. Et on va faire un petit retour en 1984. Et je vais vous présenter la pièce-titre de leur deuxième album, Fugazi. Et ça sera suivi de La Mascara di Shera, qui est un groupe italien qui en fait, était le groupe de Fabio Zuffenti. Ils ont eu 6 albums entre 2002 et 2013. Et le troisième album s'intitule Luxade. Et je vous propose un extrait. On sait que Fabio Zuffenti est passé à d'autres choses. Le groupe La Mascara di Shera est dissous. Et aujourd'hui, ben, il y a la Curva di Lesmo qui nous a produit un très bel album avec ça. Et depuis quelques temps, mais c'est avec Ossonaten. Alors après ça, on va conclure avec Mostly Autumn, groupe qui vient de faire paraître leur 12e album studio, Sight of Day. Alors on débute ça avec Marillion. Sideshow, peep show, peep show. Papa, not on a migration. Lontano un'amore Downstream, logs float on by, chainsaw two-stroke, smell in the air, heed the lost. Downstream, fish connecting with winter and seawater folds. Gallons and gallons and millions are lost. Gimme Indians, gimme Indians, gimme Canada, shining fells. Gimme Indians, old Indians, gimme Canada falls. Night sky falls, stars fall, stars fall. Fire burns. Fire burns true. Fire burns. Fire burns true. Give me Indians, American Indians, give me Canada. Stars that are drawn. Give me Indians, Indians. Give me way of life, way of spirit. Oh, the Canada mountains, trees and bright rooms that shine all around. Holes in the ground, holes in the sky, holes in the walls, holes in the sky. silent horse. Love is the play. Love is the mountain range. Love is a key. Love is the sound of earth. Love is your eyes. Love is the sight of day. We'll be right back. Alors, c'était Mostly Autumn avec Native Spirit. Ça, c'est extrait de leur plus récent album. Et auparavant, nous avions La Mascara di Chera et la pièce Nuova Luce, tirée de Luxade. Et en début de bloc, nous avions Marillion et la pièce titre de l'album Fugazi. Ceux qui sont intéressés par la nomenclature des pièces qui sont diffusées à l'émission, ben, vous invite à consulter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones et vous aurez la feuille de route au complet. Alors, après la pause, une nouveauté de Dvorniak Bone Lapsa et on aura aussi Fish on Friday et Anima Mundi. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous débutons le troisième bloc avec une nouveauté, un nouveau groupe, en fait, qui se nomme Dvorniak Bone Lapsa. Et l'album s'intitule Fingers Pointing at the Moon. Ce sont trois musiciens accompagnateurs. En fait, ils n'ont pas de background de rock progressif. Ce sont des musiciens accompagnateurs d'artistes là, comme Sting ou Mick Jagger, Paul McCartney et autres. Et puis, ils ont décidé de se payer un album de rock progressif. Alors, ils ont invité des musiciens assez connus comme Robert Wyatt, là, qu'on a connu aussi dans Soft Machine, un dinosaure du rock progressif. Et bon, ils viennent de faire paraître leur premier album et je vous propose un extrait du nom de Funny Farm. Et on va suivre avec Fish on Friday. Ça, c'est une formation de Belgique qui existe depuis 2010. Ils ont quatre albums à leur actif, dont le plus récent, Quiet Life. Et je vous propose de cet album-là, la pièce Unreal. Et on va conclure le bloc avec Anima Mundi, qui nous vient de Cuba. Anima Mundi, qui ont, depuis 2002, cinq albums. Et le quatrième, ben, s'intitule The Lamp Lighter. Et je vous propose la pièce Endless Star. Alors, on débute ça avec Dvorniak Bone Lapsa. Disciples of the Funny Farm. From the steps of the house, it's an offensive child. The high priests of the Funny Farm. House, the little girl weeps. Is it the chemical paralysis of the company she keeps? They will massage her brain, anoint her soul with God. The high life on the funny farm. Philosophies, it's a prescription card. Checked into the funny file. Why can't we see wanting to know that they need us no harm. We're all safe on the funny farm. Thank you. Thank you. Alors, c'est toute une finale, ce groupe cubain Anima Mundi, avec la pièce Endless Star. Ça, c'est tiré de The Lamplighter. C'est le quatrième album du groupe qui est paru en 2014. Alors, après la pause, de Norvège, nous aurons Arabs in Aspic et la formation montréalaise Inner Space. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Alors, pour le dernier tour de l'émission, le dernier bloc, nous aurons une formation montréalaise du nom de Inner Space qui ont fait paraître leur deuxième album qui s'intitule Rise. Ça, c'est paru en fin de septembre de cette année. Et c'est un album qui dure 69 minutes, donc c'est très généreux, et réparti sur 12 pièces. Dont une qui regroupe Dystropian Delirium. Là, il y a 5 mouvements, ça dure plus de 20 minutes. Mais ce qu'on va entendre, c'est la pièce Tree of Life, la deuxième de l'album. Et puis, je fais un petit tour de piste pour présenter les musiciens. Alors, il y a Phil Burton et Simon Arsenault qui sont à la guitare. Il y a Marc-André Brunel au clavier. Il y a Thierry Clouette à la basse et William Régnier à la batterie. William Régnier, que je connais aussi pour faire partie de la formation House ou WIS pour les intimes, une formation que j'ai vue en spectacle à Québec l'an dernier. Il y avait Simon, je ne me souviens pas de son prénom, mais dénommé Vachon, qui était en première partie de ce spectacle-là. Alors, ça, c'est pour Inner Space, mais auparavant, on va avoir la formation norvégienne Arabs in Aspic qui viennent de faire paraître leur cinquième album studio qui s'intitule Sindenes Magi. Et Arabs in Aspic, le Aspic vient de Larkstone in Aspic de King Crimson. Et d'ailleurs, vous allez reconnaître le style et l'influence sur la pièce que je vous propose, qui est la pièce titre de l'album. Alors, on débute avec Arabs in Aspic et on poursuit avec Inner Space. Thank you.

Jag vasker mina tankar i förnedrelsens odör. Trovärdighetens mattelack förakter den som spör. Om ingen finner vägen bak lyse, bak din rygg, frykter du din ära som ska svika dig? Frykter du din ära som ska svika dig? Frykter du din ära som ska svika dig? Thank you. Alors, c'est sur cette pièce du groupe montréalais Inner Space que l'émission Rock de Neurones se termine. On a entendu la pièce Tree of Life, et ça, c'est tiré de l'album Rise, qui est paru à la fin de septembre. Je rappelle que c'est un album qui comprend 12 pièces, dont une suite de 5 mouvements qui dépasse les 20 minutes. Et l'album totalise 69 minutes, ce qui est très généreux de la part des musiciens, dont je rappelle le nom, Phil Burton, Simon Arsenault, Marc-André Brunel, Thierry Clouette, William Régnier. Alors, je lève mon chapeau à cette très belle prestation montréalaise qui se classe parmi les plus grands dans le rock progressif, selon mon avis. Alors, c'est encourageant et je vais sûrement faire jouer d'autres pièces dans les prochaines semaines. Alors, ceci met fin à l'émission et je vous invite à consulter la page Facebook de Rock de Neurones pour la nomenclature des pièces qu'on a présentées aujourd'hui. Et vous aurez aussi la liste des artistes, en plus des pièces, bien entendu, des albums, la provenance de ces groupes. Et aussi, vous avez un hyperlien qui vous amène à l'émission en cours qui est en streaming sur SoundCloud. Alors, vous avez le lien, l'hyperlien sur cette page Facebook. Et aussi, on vous donne en prime 95 émissions archivées sur archive.org. Alors, c'est Jimmy Farley qui espère que vous avez aimé l'émission autant que moi. Et je vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, la 173e de Rock de Neurones sur les ondes de CIFU, le FM 89.1 à Montréal. Qu'est-ce que je dis là? À Trois-Rivières.